agirifocus.com, votre devoir de savoir, notre devoir de vous informer. Bon, j'ai vécu une expérience un peu difficile, même très très difficile. Je sais, c'est très difficile pour moi. J'ai eu l'expérience d'avoir perdu, soi-disant, entre guillemets, mon fils Bart Ibrahim. Et il a immigré clandestinement vers l'Espagne en mois de septembre 2007. 2007 ou 2008? 2007. Donc ça fait combien de temps? Ça fait une année et cinq mois. Bon, je ne m'attendais pas parce qu'il avait tous les moyens de vivre bien en Algérie. Il avait un commerce, une alimentation générale. Il avait son véhicule personnel. Il était bien à la maison. C'était le chouchou. Il bricolait. C'était même un petit génie parce qu'il faisait beaucoup de choses. Quel âge il avait? Il avait 22 ans. Il est né en 1985. C'est un petit de taille. Il est blond. Il ressemble à sa mère parce que ma femme, elle est blonde, elle est petite. Donc, on l'aimait bien. Même lui, il nous aimait bien. Il a disparu comme ça, subitement, sans nous avoir prévenus, en compagnie de 10 autres Algériens. Bon, ils ont fait naufrage près de Cabo de Gata. C'est un côté à Almeria. J'ai suivi l'enquête, l'histoire sur le net. Ils ont fait naufrage à Unamila. Les Espagnols disent Unamila, c'est l'équivalent de 2 km. C'est Unamila, c'est 1852 mètres exactement. Je l'ai vu sur le Google Earth. Donc la distance était à peu près 2 km. Parce qu'il y avait des journaux espagnols qui disaient poco más de Unamila, c'est-à-dire un peu plus qu'un mille. Bon, j'ai suivi l'histoire. Ils ont fait le naufrage le 16 septembre 2007. C'était un dimanche, vers les coups de 19h. Exactement, c'était le moment de rompre le jeûne en Ramadan. Donc ils n'avaient pas encore mangé. Pour être bref, il y avait un pêcheur qui s'appelait, l'embarcation Ta'ah, elle s'appelait Juan Jesus, elle avait trois noms. Il a vu un bonhomme en train de crier, ce bonhomme s'appelait Karim, il est vivant actuellement, il l'a repêché. Il dit, sur l'article, il disait qu'il flottait dans son gilet. Flotaban en dessous chaleco de salvavidas. C'est-à-dire qu'il flottait dans son gilet de sauvetage. Vous parlez espagnol? Non, j'ai appris. Avec le temps, j'ai appris un petit peu l'espagnol. Il fallait que j'apprenne un petit peu l'espagnol pour comprendre un peu les articles espagnols. Parce qu'ils ont beaucoup parlé de l'histoire des six disparus. Bon, ce petit Karim, il a été repêché. Puis la Guardia Civile a intervenu avec des trucs, avec des vedettes. Ils ont repêché trois autres Algériens. Je ne sais pas si je peux dire leur nom, parce qu'ils sont vivants, ils sont en Espagne. Bon, je vais pas dire leur nom, parce que ça peut toucher un petit peu leur famille. Mais ils sont vivants. Quand j'ai parlé avec eux en Espagne, j'ai appris que mon fils Brahim, Il avait son gilet de sauvetage dès le départ. Et à un moment donné, au niveau de la mer était agitée. Le vent soufflait vers l'est. Il a vu que quelqu'un ne savait pas très bien nager. Il a enlevé son gilet, il l'a remis à ce caillou. Il lui a sauvé la vie. Ils m'ont dit même que c'était un héros, mon fils Brahim. Je le connais, Brahim, il fait beaucoup de choses de bien. Puis il est reparti avec les cinq autres. Algériens, immigrantes, les Espagnols disent immigrantes. Voilà, les immigrés clandestins. Ouais. Bon, l'un d'eux est sorti vers les coups de 22h45. Il est sorti à la nage. C'est un étudiant en informatique. Je ne dis pas son nom parce qu'il est vivant. Il est en France. Même il est sur YouTube. Je parle sur YouTube. C'est un type bien, mais il n'a rien vu parce qu'il faisait noir, c'était la nuit. Il est sorti à la nage, il a été pris en charge par des pêcheurs. Déjà un pêcheur, je l'ai vocalisé sur le net, il parle de l'histoire des six disparus. Il dit qu'il n'a rien vu lui aussi, ils n'ont vu que le bonhomme qui est sorti à la nage. Mais quand j'ai parlé avec lui pour l'enquête, Il m'avait dit que la distance était à peu près de 7 km. Alors que normalement, sur le net, sur le Google Earth, c'était une mille, c'était à peu près 2 km. Bon, après, j'ai contacté la Guardia Civile et tout. Ça, c'est avec le lendemain du naufrage, un cadavre a été rejeté par la mer. Moi, je pensais que c'était mon fils. Je pensais peut-être qu'il portait le gilet, peut-être que la mer l'a rejeté. C'était un excellent nageur. Finalement, depuis la date du naufrage, jusqu'au 21 avril, j'ai fait beaucoup d'appels, j'ai fait des SOS un peu partout dans le net. J'ai contacté toutes les autorités algériennes et tout, espagnoles. Et j'attendais. Exactement le 21 avril 2008, après un certain temps, plus de 6 mois, j'ai reçu un appel téléphonique sur mon mobile. J'ai vu que c'était un 0034, donc c'était un numéro de l'Espagne. J'ai répondu, j'ai décroché. Il m'a parlé un bonhomme en espagnol directement. Et là, je me rappelle ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit estimando ser parti. Estimando ser parti. Comme on dit en français, on dit cher monsieur parti. C'est ça, à peu près. Je lui ai dit si. Il m'a dit habla espagnol. M'entendi. Je lui ai dit si. Bon, on est entré en conversation avec l'espagnol que j'avais un petit peu. Il m'avait dit que vous avez envoyé un courrier avec les photos de Brahim, mon fils, avec ses deux chevaux, parce que mon fils, c'était un bonhomme, il aimait beaucoup la deux chevaux. Déjà, il avait toute une série de deux chevaux, toutes les séries, toute la gamme de la deux doches. Et je lui ai dit que je pense que le cadavre, c'est celui de mon fils, parce que je ne pense pas que Brahim, à 2 km, il peut lâcher. S'il est mort, il doit être au bord du rivage. Et le bonhomme, c'était un chef de brigade de la Guardia Civile, de Nihar, Cabo de Gata. Déjà, il s'appelle Fernando. Déjà, j'ai une relation directe avec lui, j'ai même son mobile. Il m'a dit, je vais vous confirmer que ce n'est pas votre fils. Seulement, vous allez nous dire, il m'avait dit qu'on a traité le cadavre qui a été rejeté par là. Seulement, vous allez nous dire si ce bonhomme était à bord de la patera qui a fait naufrage. Il m'a envoyé la photo par email de mon adresse, de ma boîte. Ma boîte, c'est mbart63yahoo.fr. J'ai vu ma boîte, j'ai vu la photo, je ne connais pas. Avec le temps, j'ai fait une recherche. J'ai appelé mon fils aîné. Il connaît les gens un petit peu, les gens comme lui. Et on a confirmé que c'était un bonhomme qui faisait partie de l'équipage. C'était un menuisier. Allah yarhamah. C'était un menuisier. Je ne sais pas si je peux dire son nom parce qu'on l'a enterré. Il est resté exactement une année au niveau de la morgue de Almeria. Commandancia de Almeria. Laboratoire Commandancia de Almeria. Il a été récupéré par sa famille? Oui, on a fait tout pour le récupérer. On a fait des démarches. Je ne peux pas vous dire ce qu'on a fait, mais on a contacté les autorités algériennes. Ils nous ont beaucoup aidés au niveau du ministère de l'Extérieur, ministère des Affaires étrangères. Il y a un bonhomme qui m'a beaucoup aidé ici au niveau d'Oran, commissariat central d'Oran. C'est un officier du fichier, il s'appelle M. Daoud. Il m'a beaucoup aidé. On le remercie. On remercie aussi le procureur général d'Oran. Il nous a beaucoup aidé parce que autrement on ne pouvait pas, avec la photo qu'on a eue à travers le net, on a pu faire la démarche pour la rapatriation, pour le rapatriement du cadavre, du défunt. Et on l'a enterré. Personnellement, j'ai assisté, je l'ai enterré moi-même. Ils l'ont envoyé exactement après une année, le 18 septembre 2008, après une année au niveau de la mort. Et les autres, jusqu'à présent, je parle avec les autorités espagnoles. Ils me répondent que l'enquête est en cours. Je ne sais pas, on a reçu des rumeurs dernièrement qu'ils sont au niveau de Malaga détenus. Mais la confirmation qu'ils sont morts ou rejetés par la mer, il n'y a pas. Pour vous, il est vivant? Pour moi, j'ai un petit peu l'impression qu'il est un peu vivant, mais je ne sais pas. Est-ce que tu as senti à un certain moment que justement il avait cette envie de partir? Oui, maintenant j'ai 51 ans, mais maintenant avec la recherche que j'ai faite, j'ai contacté beaucoup de jeunes, ainsi que les quartiers populaires. Les gens qui ont la mal vie, un jeune, c'est un jeune. Je comprends beaucoup les jeunes maintenant. Ce n'est pas un problème de travail ou bien un problème de... C'est un problème de communication. Les jeunes, ils n'arrivent pas à communiquer avec l'entourage d'Ahab, que ce soit, c'est pas le voisinage ou les parents, ou là, tout ce qui en suit. Parce que la communication, c'est un problème de... Comme on dit chez nous, quand un bonhomme il a des problèmes familiaux, il quitte. Par exemple, notre génération, quand on a un problème avec la mère ou avec le père, on va chez notre grand-mère. Mais actuellement, la famille algérienne, elle est un petit peu, c'est comme à l'européenne. C'est, les jeunes, ils veulent l'indépendance, ils veulent vivre indépendamment. Déjà, mon fils, il avait 20 ans, il voulait être seul. Il voulait vivre tout seul pour être libre. Moi, je lui ai tout préparé, la voiture, le commerce. Je lui ai donné beaucoup de choses, des trucs techniques, je lui ai appris à comment, je sais pas. Mais finalement, je ne sais pas si c'est de ma faute. Finalement, je sais que ce n'est pas de ma faute, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont plus développés que mon fils, plus instruits. Ils ont préféré quitter. Et ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de chômage. Je suis sûr et certain, je suis convaincu que ce n'est pas un problème de chômage ou de... C'est un problème de communication. Je le répète, je le dis, les jeunes, ils n'arrivent pas à communiquer avec l'entourage d'Ahab. C'est du mal-être ? C'est du mal, c'est de la mal-vie. Les gens, ils se sentent marginalisés ou quelque chose comme ça. Ils veulent voir ailleurs, parce que déjà, l'Europe, c'est... L'Europe, normalement, pour tout le monde, l'Europe, c'est autre chose. C'est... Les gens, ils sont ouverts, ils sont émancipés. Il y a des trucs différents. Ils veulent voir pour essayer, tenter leur chance. Parce qu'un jeune, qu'est-ce qu'il aime, un jeune ? Qu'est-ce qu'il veut dans la vie ? Il veut qu'il soit marié, par exemple. Il veut avoir de l'argent. Il veut se défouler, il veut se, je sais pas, comment on dit, s'éclater, faire la fête. Il veut faire la fête. Maman, quand j'étais jeune, on a fait des trucs. Mais actuellement, le harga, l'immigration clandestine, c'est après une forme de révolte. Un jeune, quand il en a marre, il ne trouve pas avec qui communiquer, il dit que botte, je vais prendre un botte, une patera, et je vais quitter. C'est vrai, parce que c'est facile. Avec 8 millions ou 7 millions, on peut avoir une petite barque, être un groupe de 6 à 7. Déjà, le haraga, c'est tous les jours. Hier, il y avait des haragas qui sont partis. Voilà, ils sont arrivés. Donc, c'est un phénomène qui ne peut pas s'arrêter, à moins que, je ne sais pas, tous les Algériens ou tout le monde, les responsables, ils doivent donner. Ils doivent donner le moyen aux jeunes de communiquer directement. Il ne faut pas les marginaliser. Un jeune, c'est une ressource capitale pour n'importe quel pays. Et vous, votre femme, comment vous avez réagi quand vous avez appris la disparition de votre fils ? Oui, c'est difficile, je ne peux pas te dire, mais c'est très très difficile. Mon fils, je l'aime, mon fils, c'est quelque chose de... Brahim, c'est un génie, je dis bien c'est un génie, parce que... Déjà, il communique bien, il communique avec les autorités, la police, le con, la gendarmerie. C'est un bonhomme sympathique, formidable. C'est un bonhomme qui veut, justement, c'est ça, il veut faire du bien. Il est toujours prêt à apporter quelque chose, il est très très serviable. Et la meilleure, c'est que même ceux qui ont parti avec lui, j'étais obligé de faire l'enquête sur eux, comment ils vivaient. C'était tous des jeunes excellents. C'est excellent, vraiment, c'était des jeunes... Il y a un bonhomme, la preuve, il y a un bachelier, il était inscrit à l'université de Sénia. Il est parti, il est porté parmi les disparus. Quand j'ai fait l'enquête, c'était un très bon sportif, un excellent nageur. Ses frères l'aimaient, il était sympathique. Donc, le problème, je suis sûr, il avait des idées qu'il n'arrivait pas à parvenir à ses parents ou bien à son entourage. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Pourquoi les idées, justement, vous parlez d'un problème de communication, pourquoi ça passe pas ? C'est un problème de liberté ? Pourquoi il n'y a pas de communication ? Pourquoi il y a un fossé entre les générations ? Pas de liberté. Je vais le dire directement. Quand un jeune, il aime une fille, par exemple, un adolescent, il aime une fille, il ne peut pas la ramener chez lui, ou bien il ne peut pas proposer l'idée de se marier. C'est l'interdit. Il lui dit non, il faut pas, cette fille, elle n'est pas bien, elle est méchante, ça. Donc... C'est des trucs qui touchent énormément l'amour propre d'un être humain. Donc c'est un exemple. Et l'exemple financier, un jeune qui n'a pas 200 dinars dans sa poche, il ne peut même pas se déplacer. C'est difficile. plutôt dire un problème de social, donc social et de communication. C'est les deux, les deux ensemble. Il y a un problème de liberté, parce que il y a un jeune qui est parti avec mon fils, je dis pas son nom. Il était bien à l'aise financièrement, ils sont bien, c'est des familles, une famille aisée, mais finalement il a quitté, c'était un étudiant. Pourquoi? Parce que son père, il était, quand j'ai fait l'enquête avec le temps, son père, Dieu nous excuse, il était autoritaire. Il voulait que son fils travaille chez lui, dans son magasin. Non, c'est pas... Moi, je suis contre. Mon fils Brahim, c'était comme mon ami, mais je sais pas, peut-être il y avait un problème que je l'ai pas localisé. Peut-être il avait un problème avec sa mère ou avec ses voisins. Vous savez comment il a réuni l'argent? Oui, bien sûr. Mon frère, mon fils, il avait de l'argent. C'était un commerçant et un très bon mécanicien, un excellent mécanicien. Il a vendu sa voiture et tout. Il avait à peu près 100 000 dinars. Mais il nous a rien dit. Déjà, il n'aimait pas d'aller à risquer en Europe. Il connaît les Harraga, il connaissait, parce que nous, on habitait dans un petit patelin, à l'est d'Oran. Donc il connaît beaucoup de gens, il connaît les places. Déjà, on vit au bord de la mer. Moi, j'ai un cabanon et tout. Je n'aurais jamais pensé que mon fils puisse entamer une harga. Mais c'est arrivé. Quand c'est arrivé, donc c'était trop tard. Je pense. Simon. Vous avez déjà parlé ensemble de ce phénomène-là, de ce qu'il y a des haragas? J'ai déjà parlé. Déjà, un jour, je vais vous dire quelque chose de très important. Un jour, il y avait un voisin en face de moi, son fils... Moi, j'étais au bord de la mer, à côté de mon cabanon. J'ai vu que ce fils de mon voisin, il était bien habillé, il portait deux sachets avec de la nourriture et tout. Ça m'a paru bizarre. Je suis monté à la maison, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, voilà, le fils de mon voisin, c'est pas normal, je crois qu'il prépare quelque chose. Parce que je connais le phénomène de Harga, c'était ancien. Elle m'a dit, bon, on va voir avec Brahim. Brahim, mon fils, il était encore là. Brahim, il connaît les gens. Je l'ai appelé l'après-midi. Je lui ai dit, Brahim, je vais voir la gendarmerie pour boucler l'endroit, pour éviter à ces jeunes de quitter comme ça, de risquer leur vie et tout. Qu'est-ce qu'il m'a dit, mon fils, directement, je me rappelle très bien. Avec sa mère, hein. Sa mère, c'est ma cousine aussi. Et ils ont fait comme ça, ils m'ont dit, on va te prendre pour un mouchard. Ils ont risqué leur argent, ils ont acheté le GPS, la barque, qu'est-ce que tu as à foutre toi, tu sais pas ton problème, tu vas nous poser un nombre de problèmes, on va être mal vu par les voisins. Alors je me suis tué depuis, c'était en 2006 peut-être. Alors mon voisin, il a quitté, il est revenu, encore actuellement il est en Espagne. Et il a fait deux tentatives de harga. Et ça c'est, Brahim mon fils, il connaissait tous les harga à peu près, il venait de tous les endroits, d'Alger, Il venait acheter l'alimentation, il venait acheter de la nourriture et tout. Mais les autorités sont au courant, ils ne pouvaient rien faire. Déjà la gendarmerie de Canastel me connaît. La gendarmerie, les chefs de brigade et tout, ils me connaissent parce que j'ai fait beaucoup de trucs avec eux. J'ai vu des haragas. Mais c'était un problème important. Ça. C'était une ruée. On ne pouvait rien faire. Il y a des gens qui sont détenus, il y en a d'autres qui... Ce phénomène, moi, je suis contre l'idée de condamner les gens qui vendent des barques pour les jeunes. Pourquoi? C'est pas des trafiquants. J'ai une barque, je veux la vendre. Je veux qu'on lutte contre le phénomène de la base. Essayer de parler aux jeunes. Essayer de voir les jeunes au bord. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi? Essayer de convaincre les jeunes de ne pas quitter, de ne pas risquer leur vie. Essayer d'avoir un passeport. J'ai envie d'aller en Europe. C'est mon droit en tant que citoyen. J'ai fait mon passeport légalement, malgré si le visa c'est difficile, mais je fais des tentatives pour essayer de quitter. Mais pour quitter au niveau à bord d'une embarcation de fortune, comme ça, c'est un risque, Zama. C'est un risque. C'est comme le jeu de hasard. Le jeu de hasard, c'est un jeu de hasard. Et la vie c'est important, c'est capital. On ne peut pas risquer sa vie comme ça. Moi je suis contre l'idée que les jeunes risquent leur vie. Tout à l'heure, on en a un peu parlé, vous aviez dit que c'était une épreuve pour vous, qui vous avait peut-être rendu plus sage, ou je ne sais pas, qui vous a appris plein de choses, vous avez rencontré plein de gens. Oui, j'ai rencontré des gens. Surtout, j'ai rencontré des gens, parce que généralement, Surtout, bon, un pays, c'est quoi? Un pays, c'est un peuple, et puis il y a l'autorité, il y a toute une organisation, un système, il y a la juridiction et tout. Mais j'ai appris que les Algériens, généralement, les parents, j'ai appris beaucoup de choses. Les parents de Harraga, ils ont peur de contacter les autorités. C'est ça ce qui m'a intrigué. Pourquoi? J'étais le seul, depuis 1 an et demi, je suis le seul qui a contacté la gendarmerie, la police. J'ai fait des démarches, j'ai fait beaucoup de choses. Les gens ils disent non, non, non, ne montre pas cette photo. Cette photo, c'est le bonhomme qui a été rejeté par là. Il ne faut pas montrer à la guardia civile, il ne faut pas la montrer à la gendarmerie. Moi, j'ai pris la photo, j'ai contacté la famille du décédé, du défunt. Ils ont refusé que la photo soit. Mais je lui ai dit, c'est pas possible, il faut que le procureur général, il faut qu'il voie la photo pour nous aider à le ramener quand même. C'est un jeune. Ça peut arriver à tout le monde, un accident par exemple. Pourquoi les gens, ils ont peur Ils ont peur par les parce autorités, que. Parce que le phénomène du Harga, personne ne le comprend. Il n'y a que les jeunes qui le comprennent. Il faut que des spécialistes étudient le phénomène. Le problème du Harga, c'est un interdit. Attention, le peuple, il a peur des Harga. Il ne veut pas en entendre parler. Les autorités aussi. Il y a des gens par exemple, au niveau du ministère de la Solidarité, il y a des gens qui font des trucs quand même. Il y a des gens qui essaient de. Mais c'est difficile. Il faut un soutien, il faut la participation de tout le monde. Et surtout, il faut faire participer les jeunes. Parce que je me suis déplacé dernièrement à Sidi Houari, j'ai trouvé les jeunes en train de fumer. Ils fumaient de la drogue. J'ai parlé avec eux, je lui ai dit, voilà, mon fils il a quitté, est-ce que vous ne connaissez pas des gens en prison, là vous n'avez pas écouté l'histoire de. J'ai ciblé, les jeunes ils sont marginalisés complètement. Il n'y a personne qui ne les entend. Il n'y a que. Soit ils boivent du vin ou bien la drogue. Avec le signal vidéo radio. Moi, je voulais vous demander aussi tout à l'heure, vous avez dit quoi, c'est la, par rapport aux familles, de ce que ressentent les familles, pourquoi est-ce que ça peut être vu comme honteux que leur fils ou leur fille soit parti? Parce que c'est un phénomène nouveau. C'est comme chez nous, on a des coutumes. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, on a un autre phénomène, comme si une fille. Une jeune fille adolescente, elle va s'absenter de chez elle. C'est un peu honteux en quelque sorte. Parce que les gens ils vont parler, ils vont dire que c'est pas bien. Est-ce que toute cette enquête que vous avez toute cette enquête que vous avez fait, ça vous a permis de comprendre pourquoi il est parti, parce que est-ce qu'au début, quand il est parti, vous avez pas compris, et après le fait d'aller parler à des jeunes, aux autorités, etc., etc., ça vous a permis de comprendre mieux les raisons? Oui, bien sûr. Alors, au début, je sais pas, peut-être je suis assez intelligent parce que je suis dans le domaine technique, l'électronique. Je fais un petit peu de. Brahim, il a quitté. Brahim, un jour, je vais vous donner un petit exemple. Je me rappelle, ça m'a beaucoup touché. Il avait un magasin alimentation générale. Un jour, c'était un petit magasin de 2,50 m sur 3 mètres à peu près. Un jour, on a voulu acheter un frigo comptoir. C'était difficile de le faire entrer par la porte. Parce que c'est large. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, je suis venu, il a acheté des briques. Il a réalisé avec une maçonnerie, avec une vitrine, il a réalisé à 100%, comme on dit en espagnol, cien por cien, un frigo mural. Et la meilleure, c'est qu'il a, techniquement, il a réalisé à 100% correctement, avec un thermostat, démarrage automatique, refroidissement extérieur, l'étanchéité, la température, indication. Pourtant, il avait un niveau 7e année élémentaire. Il n'était pas tellement. 7e année, c'est. Première année du lycée, comme on dit. Cette année d'études. Il a fait le primaire, il a fait le. Alors, un jour, il y avait des gens, des spécialistes en froid. Un spécialiste en froid, ça doit être un ingénieur ou un technicien. Ils sont venus chez nous pour acheter comme ça. Ils ont vu le. Oh, Brahim, comment il a fait? Il était en train de leur expliquer comment qu'il a fait. C'est des spécialistes en froid, je répète. Alors, ils lui ont proposé de leur réaliser le même prototype chez eux, au niveau de leur local. Parce qu'ils faisaient des produits l'été. Qu'est-ce qu'il a répondu, Brahim? J'étais présent. Il leur dit, ce frigo, je vais le réaliser, Inch'Allah, en Europe. Comme ça, ça m'a beaucoup touché. Pourquoi? Parce que l'idée qu'il avait, les gens pouvaient l'exploiter, que ce soit privé ou... Mais actuellement, quand je me rappelle ça, je sais que Brahim, il avait une raison de quitter. C'était pas fortuit, c'était pas comme ça il a quitté pour s'amuser. Il avait quelque chose à l'intérieur, c'était un petit génie. Même les autres, je ne les connaissais pas bien, mais quand j'ai fait la recherche, je sais pas, un étudiant en informatique, il peut travailler, il peut trouver beaucoup de choses. Mais pour avoir quitté, c'est qu'il avait un problème de communication. Il pouvait pas faire parvenir son idée dans son entourage. Voilà, il pouvait pas s'exprimer. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? Vous avez de l'espoir? Oui, bien sûr. Même j'ai de l'espoir qu'il... C'est pas la question qu'il soit vivant ou mort, parce que la vie et la mort, c'est Dieu. Mais j'ai de l'espoir dans la vie, parce que la vie... Il y a des gens qui sont vivants, ils ont tout, ils sont vivants, mais finalement, ils sont plus que des morts. Parce que Brahim, même s'il est mort, il est vivant quelque part, parce que c'était quelqu'un qui a beaucoup fait beaucoup de choses de bien. Vous continuez à chercher? Oui, bien sûr. Est-ce que vous préfériez savoir s'il est mort ou pas? C'est difficile de rester dans le doute. C'est très très difficile, surtout pour sa mère. Moi, je peux supporter un petit peu parce que je parle et je me déplace. Je m'évade, des fois je m'évade de mon... Voilà, je sors. Du quotidien? Oui, du quotidien. Mais ma femme, ma cousine, c'est très difficile pour elle. Même les mères des autres disparus, c'est très très difficile. D'ailleurs, chaque fois qu'ils viennent à la maison, les autres disparus, leur mère, j'essaie de leur donner, leur montrer les articles des Espagnols qui ont parlé du naufrage. J'essaie de leur dire qu'ils sont vivants quelque part. C'est pas normal qu'ils soient un bonhomme. Et là, le meilleur, c'est que le bonhomme qui a été rejeté par la mer, c'est le seul qui ne savait pas nager. Alors que les cinq autres, c'est des excellents nageurs. Ils vivent tous à côté de la mer. Donc, s'ils sont morts, Dieu peut les tuer quand même. Mais il y a un espoir parce qu'il y avait un article qui dit. Le troisième jour du naufrage, il dit que le service subaquatique, il y a un service de plongeurs à Cabo de Gata, la plage s'appelle Coralete. Il a voulu intervenir pour voir si les corps sont au fond de l'eau. Alors la guardia civile elle a refusé. Ils leur ont répondu que ce n'est pas la peine de chercher parce qu'ils ont trouvé quelque part des vêtements. Ils ont tenu l'hypothèse que les six disparus sont sortis. Ils sont arrivés sur la plage et ils sont arrivés. Ouais. Vous êtes fier de savoir que Brahim, il a donné son gilet de sauvetage. Oui, je suis très fier. Je suis même, c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de courage. Déjà, ce témoignage, je l'ai reçu de la France. Ils m'ont dit que Brahim, c'était un héros. Il faisait nuit, la mer était très agitée. À 2 km, il a enlevé. C'est un petit détail, il fait 45 kg ou 50 kg. Il a préféré donner son gilet et essayer de tenter, ils ont tenté. Parce que même les Espagnols, ils disent qu'ils ont tenté de regagner le rivage. Mais ils ne sont pas... J'ai un contact avec la gendarmerie espagnole. Chaque fois, ils me disent, si vous voulez, j'appelle M. Jimaniel Drog. En ce moment, je peux l'appeler, il répond. Il dit que l'enquête est en cours. Déjà, il me connaît. Si je l'appelle, il va me dire comment ça va, c'est mon... Et est-ce que, comment on pourrait expliquer au cas où il soit en Espagne ou autre part en Europe qu'il n'ait pas appelé ou donné signe de vie? Qu'est-ce que vous vous dites à propos de ça? Bon, moi je connais Brahim bien, normalement il appelle. S'il est vivant, il a un empêchement. Peut-être, on a reçu dernièrement une information, un témoignage, je ne vais pas donner son nom, ça fait peut-être 2 mois. Il y a un bonhomme qui était détenu, détenu au niveau de Almeria, dans un centre d'étrangers. Il était un petit peu malade. Il est venu chez nous, il nous a confirmé, il s'appelle Wider. Il nous a confirmé que le 16 septembre 2007, un hélicoptère de la Salvamento Maritimo, à minuit, il a ramené 3 Algériens. Il dit avoir reconnu l'un d'eux, qui s'appelle Ilyes. Il dit que c'était son voisin au niveau de Sidlewari. Il y avait avec eux un jeune de petite taille et un autre un peu grand. Moi, ce témoignage m'a beaucoup intrigué parce que sur le net, j'ai découvert trois mois après le naufrage, j'ai découvert une photo de la police espagnole, la policía nacional espagnole, avec une dame, une policière. Elle était debout. En face, il y avait Ibrahim, mon fils. Ah bon? La photo était un peu floue. Je peux vous la montrer, la photo est chez moi ici. Et c'est sûr que c'était Ibrahim sur la photo? Je suis absolument presque sûr, mais la photo elle est floue. À côté de lui, il y avait Ilyes. Je le connais, Ilyes. C'était le copain, l'ami de mon fils. Il y avait ce Khalef, c'est un Kabyle. Khalef aussi, j'ai appelé sa mère, ses soeurs, ses frères. Ils ont dit que c'est Khalef. Cette photo, elle est un peu floue. C'était une photo diffusée sur un truc qui s'appelle ABC en octobre 2007. Le 9 octobre 2007, elle a été diffusée. Moi, j'ai pris cette photo, je l'ai diffusée, je l'ai dispatchée un peu partout chez la police espagnole. Mais c'était j'ai... une photo de quoi exactement? Il y avait des jeunes émigrés, voilà, avec la police. Exactement. C'était une photo d'une arrestation. D'une arrestation. Il parle de 174 immigrants clandestinos, Harraga, tous du côté d'Oran, entre Cap Facon et Cap Aiguille. J'ai l'article, je l'ai. Il est écrit en espagnol, je l'ai traduit. Je l'ai envoyé un peu partout pour voir la réponse, mais j'ai rien reçu. J'ai fait l'ultime. Il y a un truc qui dit en anglais, pushing the limits. Je suis allé beaucoup plus loin. Un jour, ma femme est montée dans la chambre de mon fils, Brahim. Elle a trouvé un peigne avec des cheveux. Il y avait des cheveux. Moi, j'ai vu les cheveux. J'ai pris trois petits sachets. J'ai pris les cheveux de Brahim, mon fils. Je les ai insérés dans les petits sachets avec bien scotché, hermétiquement et tout. J'ai envoyé les trois paquets. J'ai envoyé un sachet à la commandancia de la Guardia Civile de Almeria. Et déjà, ils m'ont répondu et tout. Ils m'ont contacté à deux reprises pour faire l'ADN, le truc génétique. Le truc. Test ADN. J'ai envoyé un autre au laboratoire de France, de Lyon. Ils m'ont répondu, j'ai la lettre, je peux vous la montrer, la lettre. Et j'ai envoyé un échantillon au laboratoire scientifique de la DGSN, la police algérienne. Bon, ils m'ont tous répondu qu'il faut un représentant judiciaire, soi-disant. Mais le laboratoire de la commandancia, ils m'ont confirmé que Brahim n'existe pas parmi les cadavres qui ont été rejetés par la mer. C'est la Guardia Civile, là, les Espagnols? La Guardia Civile de la commandancia, c'est un laboratoire. Il y a un bonhomme qui s'appelle Jimmanuel. Je peux vous donner ses coordonnées. C'est un type formidable. C'est lui qui s'occupe des trucs de la morgue, des accidents et des disparus, des morts et tout. Est-ce qu'il y a des associations de parents de Haraga? Voilà, c'est très important. Vous en faites partie? Heureusement que vous m'avez... Non, je ne fais pas partie, justement. J'aimerais bien, mais je fais partie pour apporter quelque chose, pas pour faire des marionnettes. Il y a une association à l'Est, à Naba. Elle a l'agrément, elle est agrémentée par l'État. Il y a une association ici à Oran, mais elle n'a pas encore reçu d'agrément. Mais vous en feriez, pourquoi vous dites marionnettes, etc. Elles ne sont pas efficaces, ces associations? Elles ne sont pas efficaces. Moi, bon, l'idée, peut-être je me trompe, mais on diffère ça, les idées de l'association. Il n'y a que des femmes, parce que déjà les pères, comment, un jeune, il a un père quand même. Je suis pas contre les trucs de sexe ou bien comme ça. Mais normalement, les deux parties participent, le père et la mère. C'est l'association qui m'a contacté. Ils sont venus chez moi. Il n'y avait que des femmes. J'étais pas contre. Mais quand je me suis déplacé chez eux, je voulais entrer en contact avec des hommes. Les pères des disparus. Il n'y avait aucun père qui venait me parler. Alors je pouvais bien faire. Je leur ai donné tous les détails. les articles que j'ai eus, les disparus et tout. Et finalement, l'association elle a fait des démarches au niveau du ministère de la Solidarité. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose dont on ne vous aurait pas parlé et qui vous semble important à ce sujet ? Oui, je veux ajouter quelque chose. C'est pas, c'est bizarre. C'est comme si je vis dans un truc de science-fiction. C'est un film. Parce que j'ai eu une expérience extraordinaire. Je ne sais pas si je suis un génie, je suis un très intelligent, mais c'est Dieu qui a fait ça. Les articles espagnols, après le naufrage de Brahim, mon fils, et de ses 10 copains, et il y a eu 6, un mort et 5 disparus, tous les articles, à partir du 18 septembre 2007, ils parlent que les cinq bonhommes sont disparus, ils n'ont pas retrouvé ni les cadavres, ni rien du tout. Jusqu'au 1er octobre 2007, un cadavre a été... Parce que moi, j'étais branché H24 sur le net. J'ai dépensé tout mon salaire. Tout mon salaire à peu près, pendant une année, la moitié, elle allait vers le net. Parce que c'est un peu cher. Finalement, le 1er octobre 2007, un cadavre a été rejeté par la mer. Il portait du noir. Mon fils avait aussi des vêtements noirs. J'ai suspecté que c'était mon fils. Il faisait 1m70 sur l'article. Le lendemain, le 2 octobre 2007, un deuxième cadavre a été rejeté par la mer. Et il était grand. Les deux, ils parlent qu'ils ont été repêchés par un pêcheur qui s'appelait la Pastora. Bon, l'embarcation s'appelait la Pastora. La Pastora, c'est la bergère en français. Je l'ai traduit. La Pastora. Ces deux cadavres ressemblaient beaucoup à mon fils et son ami Ilyes. Par hasard, le copain disparu de mon fils s'appelait Djebar Ilyes. Je vais dire son nom parce que c'est son ami intime quand même. Je ne vais pas cacher. Pourquoi cacher les trucs? Le cadavre du deuxième jour, c'était un grand. Ilyes, il était grand. Il s'appelait aussi Djebar. Le nom, je l'ai... C'est la Guardia Civile qui m'a communiqué le nom de... Bon, j'étais presque sûr, j'ai parlé à ma femme, j'étais presque sûr que c'était Brahim. Finalement, avec le temps, il y a eu d'autres cadavres qui ont été rejetés. Les disparus, il était 5. Il parlait du primero, en espagnol, primero, secondo, tercio, quattro, quinto. Quinto. Après le quinto, au mois de novembre 2007, ils ont clôturé le dossier. Ça, ils parlaient plus, sur le net, ils ne parlaient plus des disparus. Ils pensaient que c'était les bonhommes, les 5. Voilà, Brahim, mon fils, et ses copains. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où vous avez cru qu'il était mort? Bon, j'avais un doute, mais je pensais que c'était pas Brahim, parce qu'il faisait 1m70. Ils disent que... fuerte, comme on dit, corpulence forte. Oh. Mon fils n'était pas costaud. Je me suis dit peut-être avec l'effet de l'eau et tout, peut-être il a... Mais avec le temps, j'ai contacté beaucoup de gens. Une femme est venue nous voir d'Oran. Elle est venue chez nous. Son fils s'appelait Samir. C'est très important ce témoignage. Son fils s'appelait Samir. C'est un disparu. Il avait des amis, des copains de Gdil. C'est une petite ville à côté de d'Oran. Ils sont partis ensemble. Ensemble, ils étaient 11 ou 12. Bon, ils ont fait naufrage. Trois d'entre eux sont morts. Ils ont été rejetés par la mer au niveau de Ghazawat. Et ils ont été enterrés à Gdil. Les autres 8 n'ont pas donné signe de vie. Ils ont été portés disparus. Ce Samir avait un ami qui s'appelait Jamal. Jamal, c'est un nom... Jamal, comme tous les noms. Un jour, je faisais du footing. J'étais en train de courir au niveau de la montagne. J'ai reçu un appel téléphonique. J'ai vu le téléphone 0034. Je pensais que c'était l'Espagne, bien sûr. J'ai répondu. Une femme m'a parlé avec un accent espagnol. C'était une traductrice de la Guardia Civile. Elle m'a dit, monsieur Barthi m'a donné, je lui, bon, en bref, je lui ai donné tous les détails. Barthi Ibrahim, mon fils disparu, où est-ce qu'il habitait. Alors, elle m'a dit, est-ce que Ibrahim, en sa compagnie, il n'y avait pas quelqu'un qui s'appelait Jamal. Je lui ai dit non, je connaissais tous les noms de l'équipage. Elle me l'a répété à plusieurs reprises. Je lui ai dit non, il n'y avait pas de Jamal, c'est sûr. Ce Jamal, c'était un bonhomme qui a été rejeté par la mer à 24 000 ans de Saint-José, à peu près 40 km de Saint-José. Il a été repêché par le pêcheur Pastora. Le même jour, après, Ibrahim et ses copains ont fait naufrage. Donc ça coïncide la date. Je m'exprime bien, je pense. Tout est très clair. C'est clair. Algériefocus.com, votre devoir de savoir, notre devoir de vous informer.